émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec monsieur Chris Cab qui vient de nous rejoindre dans les studios. Welcome on Skyrock. How are you? Thank you so much for having me, man. C'est un véritable plaisir de t'avoir. Elsa, tu vas m'aider comme d'hab pour la traduction. Hein? Comme d'hab, mon chou. Comme d'habitude, ma choute. C'est toi qui va lui souhaiter la bienvenue. Je sais que c'est pas la première fois qu'il vient Skyrock. Right? Oh man, I love the Skyrock folks. Everybody's super happy. Everybody's feeling good. Il aime bien les gens chez vous. Tout le monde est toujours sympa, ouais. Détendu. Tu as vu, parce que juste avant, il y avait une grosse émission qui s'appelle La Nocturne de Planète Rap. Il est arrivé, il y avait 150 personnes dans le studio. Non, il dit que c'est cool. Ouais, c'est une radio qui vit. And this has a vibe. Voilà, il y a une bonne vibe. Eh ben, écoute, tant mieux. Comment il va? Great, man. You know, it's always a pleasure to be here in Paris, man. I've been here like 7 times in the last few months. They said I might need to get double citizenship. Ça fait 7 fois qu'il vient, donc il pense même à demander la nationalité française, hein, quand même. Bah écoute, tu l'as. Let's do it, man. I would love to, man. Bah, il l'aimerait bien, en plus. C'est bon, tu l'as. Il y a aucun problème, Chris Cab. Évidemment que tu l'as et on est content de t'avoir. Donc, ça fait 7 fois que tu viens en France, toi. I think so, yeah. Ouais, il croit. Like that. Quelque chose comme ça, en tout cas. Est-ce que tu aimes la France? I love France. Yeah? Oh, il adore. The French girls? C'est pas la peine, n'en profite pas pour montrer. Non, mais j'ai chaud, écoutez, n'importe quoi. Non, mais attends, on parle des French girls. Non, j'arrive plus là. Just removing my skin. That's what happens. That's the effect you have. I heard that's the effect you have. C'est l'effet que vous avez. Bah, Fred, tu vois. C'est plutôt ton effet, à mon avis. I saw the picture. Your effect. I saw the picture in the hallway, man. Ah oui, il a vu une petite photo sympa dans le couloir avec des filles à poil. Two girls. Ah ouais. Ouais. Normal. Des copines. Friends. Drop by. I see. Bon, Chris Cab, lui, ça lui change un petit peu quand il vient en France. Alors on sait que t'es né à Miami, toi. Yes sir. Ça te change forcément un petit peu quand t'arrives en France. Yeah, you know it's different, but it's you know Miami. There's so many people from all around the world, so you know it's just so much culture. But I feel right at home here in France for some reason. C'est vrai que Miami c'est vraiment un mélange culturel pour le coup, mais dès qu'il vient en France, ils sont très bien, ils sont chez lui. Ça va, il te manque rien de Miami. Man, just my bed. Son lit. You know, once I get a place over here, that won't happen. Mais une fois qu'il aura son appart ici, bah il y aura plus de problèmes. Ouais, parce que là ils t'ont foutu au Formule 1. Non, man. Non. They take care of me. Formula One. For some reason, they take care of me. Ouais, il sait pas pourquoi, mais au contraire, il est plutôt chouchouté. Bon, parle-nous un petit peu. Donc, il y a l'album de Chris Cab avec ce fabuleux morceau qui fait le tour du monde, Liar Liar. Yes, sir. Est-ce qu'il pensait d'ailleurs au moment où il enregistrait que ça allait être un carton mondial? No, man. You know, it wasn't really until we were, you know, we knew the song was great, but it wasn't really until we were filming the music video that, you know, we were sitting there like, wow, this one could be, you know, this one has something kind of special about it. And it was Pharrell who was like, Pharrell looked at me and he's like, this is the one, man. And I was like, cool. And then, you know, he was right. En fait, au départ, ils se doutaient bien qu'il y avait un petit potentiel avec la chanson, mais c'est surtout en faisant la vidéo qu'ils se sont dit, ah ouais, c'est d'accord, ça va le faire. Et Pharrell lui a dit, mec, c'est celle-là, quoi. Parce qu'il nous l'introduit quand même comme ça légèrement, mais ce monsieur a, je sais pas si on peut dire deux parrains, mais en tout cas deux mentors dans la musique. Il y a évidemment Pharrell. Yes, sir. Et Wyclef aussi, des Fugees. Certainly. Yeah. Absolument. Ça va, il est quand même plus dégueulasse pour être accompagné. Worse, hein. Right? There's worse people. Ouais, il y a des gens pires à voir, mentors. C'est quoi d'ailleurs les différentes rencontres, que ce soit avec Pharrell ou Wyclef, ça s'est fait comme ça parce que t'envoyais du son? Well, Pharrell, I met in Miami, you know, I met him when I was only 15 years old, and he was the first person I met in the music industry. And, you know, it just so happened that we had a mutual friend, someone who wasn't really even in music, and he was nice enough to know that I was a young kid and bring me over to meet Pharrell. And he was like, you know, even if he just gave you any advice, it would mean the world, you know, to an upcoming artist for sure. En fait, Pharrell, il l'a connu quand il était tout jeune à Miami, il avait 15 ans. C'est un ami en commun à eux qui a rien à voir avec la musique qui les a présentés et qui a été assez cool parce qu'il a dit à Pharrell, écoute, ce mec débute dans la musique, quelle que soit l'aide que tu peux lui apporter, ça l'aidera, donc n'hésite pas. Et donc ça s'est fait comme ça. Chris Cab avec nous pendant une heure sur Skyrock dans Planète Rap. J'espère que vous allez bien. Le son, c'est évidemment celui de Chris Cab par deux fois avec Liar Liar pour écouter. Tout à l'heure aussi au Freestyler, je file des fringues Projet X d'une valeur de 105 euros. Il y a la veste, il y a l'ensemble t-shirt, c'est pour vous. Les modèles, vous pouvez les mater sur la boutique officielle.com. Vous tapez Projet X et vous regardez ce qu'on vous file d'ici une petite demi-heure au Freestyle par téléphone. Inscription 41 759. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Was turning, and I still know the émission rap de référence. Premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. She walked into the frame, she moved like water. Before I knew her name, I knew I wanted her there. Now every other night we spend together, and all I wanna do is give her pleasure, yeah. But when I'm on a high, she's coming down. When I'm showing up, she's not. But when she wakes, she leaves right out of there. I know I'm playing in that danger, but I like the things she does to me, yeah. Avec Chris Cab, notre invité pendant une heure. Vous, tout à l'heure en freestyle, 41-759 et Chris Cab en interview sur Skyrock. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique, toi? You know, first for me, the first thing I started doing was playing the guitar when I was 10 years old. You know, before that, I loved music, but when I found the guitar, it was like something that my parents didn't have to tell me to do. It wasn't something that anybody was telling me. It was something that I wanted to do, you know? So I spent hours and hours just playing. And that's what first got me drawn into music. En fait, ce qui l'a vraiment attiré vers la musique, c'est la guitare. Et il a commencé à en jouer lorsqu'il avait 10 ans, et ça a vraiment été un déclic. C'est pas quelque chose qu'on lui disait de faire ou qu'on l'obligeait à faire, c'est vraiment un truc qu'il faisait par pur plaisir, et c'est comme ça qu'il a commencé à s'intéresser à la musique. Dans la famille, il y a des musiciens? Non, not at all, man. Non, pas du tout. It was just something I always, you know, was into, and I kind of loved it because it was my own thing, you know. C'est juste quelque chose qu'il a toujours kiffé, et c'était vraiment son truc à lui en plus. Je fais un petit aparté, j'ai l'impression qu'il comprend tout ce que je dis en fait en français. He kind of feels you understand everything he's saying in French. Yeah, man, I kind of understand. Écoute, you know. Ouais, getting the hang. Il commence à comprendre un peu. You speak French. I'm starting to, man. Wait. Attends un peu. I could only say j'aime quand on m'appelle Big Papa. Voilà, ça c'est sa phrase qu'il sait dire pour l'instant. J'aime quand on m'appelle Big Papa. Oui. D'accord. Qui t'a appris ça? Who taught you that? Man, you know, it was out of necessity, I feel like. But no, some people definitely taught me. Non, on lui a appris. Il dit que c'est par obligation, mais on lui a appris, en fait. Revenons à la musique. Donc, ouais, dans la famille, pas de musiciens so en particulier. No particular musicians in the family? No, not at all. You know, my father listened to disco at the time. Mm-hmm. He was listening to like Earth, Wind and Fire. Bah, j'ai, and, ouais, Marvin Gaye. Énorme, plutôt funk, soul, Earth, Wind and Fire ou Marvin Gaye. Jeez. J'allais te demander, tu te souviens, toi, la première claque que t'as pris, la toute première claque musicale? For me, that was Bob Marley. You know, someone who just, you know, I really admired, you know, everything about the way he would make his music and what he would talk about and, you know, the messages in his music was amazing for me. C'était Bob Marley pour lui. Il adorait tout sur la façon de Bob Marley de faire de la musique et surtout les messages qu'il dégageait de sa musique étaient assez incroyables pour lui. Bon, alors c'est pas tout parce que t'as beau débuter la musique, enfin ou du moins la guitare à l'âge de 10 ans, il y a un moment il y a aussi la voix qui va avec. Est-ce que cette voix tu vas la travailler ou c'est naturel? It really came to me naturally, you know, just singing along to these Bob Marley songs and to these, you know, to all these different records. I was just singing and singing, man, and singing in my shower at first, and then. C'était sous la douche d'abord, donc Bob Marley, et à force de chanter, bah franchement, c'est venu naturellement. C'est quoi le morceau préféré de Bob? I think Is This Love. Is This Love. Is This Love. Ah, pas mal. Burning and Looting. Oh, Burning and Looting. Yeah. That's one of my favorites. I love that. Favorite. Il adore. I love also Misty Morning. Naf. C'est Chris Cab, notre invité, entre 20h et 21h dans Planète Rap. On retrouvera l'interview de Chris Cab, des lives de Chris Cab aussi tout à l'heure. Et là, c'est La Crime qu'on écoute maintenant avec Tout le monde veut délover. Ça y est, on a enfin la date de la sortie de l'album de La Crime. Ce sera le 1er septembre prochain. C'est Skyrock et c'est Planète Rap avec Sam Smith à l'instant. Stay With Me, Mary J. Blige également sur le morceau. Passez une bonne soirée, on va retrouver Chris Cab en interview avec des sons de Chris Cab, ça arrive dans un instant. Vous au freestyle par téléphone, c'est aussi dans quelques minutes. 41759 pour s'inscrire, prénom, numéro de téléphone. Dédicace à ceux aussi qui attendent les résultats du brevet. Demain je vois des messages en disant trop stressé, c'est Pépitos qui nous envoie ça. Bah, bon courage à vous tous, on va vous déstresser tranquillement avec le son de Chris Cab et de Nicki Minaj. Pills and Potions. Ça écouter dans un instant sur Skyrock. Fini pour vous. C'est le premier extrait du quatrième album solo de Soprano en préparation, Cosmopolitany. Le nom de cet album est l'extrait qu'on écoute à l'instant. Ils ne nous connaissent pas. Chris Cab revient dans quelques minutes. Suite et fin de l'interview. Et un bon quart d'heure de son de Chris Cab, extrait de son album qui est dans les bacs. Excellent album de Chris Cab qu'on vous conseille évidemment. Mais là, juste avant, on est au téléphone. On est par téléphone avec le dièse du 7-8. Yeah, ça va bien? Yeah, très bien. Comment va? Et toi? Au calme, toujours là. Un peu de vacances, un peu de boulot, un peu de repos. Ouais, toujours. On bosse un peu les sons, on bosse avec les jeunes dans ma ville, tranquille. Eh bah terrible, toi t'es de Limay, hein, c'est ça? À Limay dans le 7-8. À Limay dans le 7-8. Tous les gens de Limay, ouais, voilà. Ça roule le dièse. Prêt à rapper, toi tu veux acapella là? Ouais, je vais te faire acapella, un petit truc. Laisse-moi couper l'instru. C'est fait. Parfait. On t'écoute. T'es prêt? Quand tu veux. Yo. Avec mon talent, des vues, j'en mérite des millions. Parle pas un peu d'argent avec ça, comment me trouver mignon? Les MC sont dans la merde, impossible que je suive leurs traces. Robe raconte que de la merde, prennent pour des soldats du Hamas. Laisse-les parler dans mon dos, moi je parle devant des caméras. De ma vie sont accros, la connaissent mieux que moi, font du commérage, du bif, de la drogue, des putes. Parle tous de la vie d'Aloca, ça vend des réputes, mais vous pointez à la mission locale. Je suis discret, Drangheta, eux font des coupes de Rital. Avant de parler du réel, laissez faire ta place à Laval. Plus tu rappes mal, plus tu perces, même la fouine devient la peste. Je suis pas de la banlieue sale, normal, je suis de la banlieue ouest. Si je rappe sans mélodie, c'est que tous vos beatmakers. Quand j'écris, je fais de la magie, un peu comme mon beatmaker. À la Stringer Bell, moi j'ai plein d'idées dans ma tête. Je commence solo et tout le public me suit comme un Harlem Shake. Yes, c'est pour moi. Le dièse, est-ce que je peux remettre, est-ce que je peux remettre l'instru? Comme tu veux, c'est toi le patron. Alors je le renvoie. Bravo à toi le dièse, à l'instant en freestyle. Yeah. Tu repars avec la totale Projet X et l'ensemble t-shirt, veste d'une valeur de 105€. Si tu veux voir les modèles, vous faites un tour, hein. D'ailleurs je dis ça à toi mais à tout le monde, la boutiqueofficielle.com, vous tapez Projet X et vous verrez les modèles qu'on vous file dans Planète Rap cette semaine. Il y a donc l'ensemble pour toi, t-shirt et veste. Ok, je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Comme c'était pas prévu, je viens tout juste de mettre un petit comme sur Facebook, donc une grosse dédicace à toutes les personnes qui m'ont dit de faire une dédicace. Un gros big up à toutes les MDJ de Limay, toute la team en ensemble. Et je voudrais faire un gros bisou à toutes les mamans qui font le ramadan et qui en ce moment même sont en cuisine. Donc ouais. Voilà, gros bisou à tout le monde. Et bon, on embrasse toutes les mamans, toutes les frangines, tout le monde aussi, voilà. Yeah. Un gros bisou. Bon ramadan à tous les frères. Et bon ramadan à tout le monde. Et tiens, regarde, il y a Flashman qui envoie un message via les réseaux sociaux en disant trop balèze le mec. Ben toi, t'as pas une adresse où on peut te retrouver, le Diez? Yeah. Alors sur Facebook, c'est Anis le Diez. Anis. A-N-I-2-S-E le Diez. Mmh. Et sur Twitter, @AnisLamental. Anis Lamental. A-N-I-2-S-E et Lamental, L-A-M-E-N-T-A-L-E. Merci à toi, le Diez. Je vous attends tous, les frères. Eh bah, allez, allez cliquer pour l'enjaillement total. A plus. Yeah. Ciao, le Diez. Allez, Fred, bon courage. Ciao, ciao. On est avec Chriska pendant une heure sur Skyrock entre 20h et 21h. Interview. Sur la musique, à quel moment tu vas savoir qu'il y a peut-être une carte à jouer pour toi? You know, I guess it was after I started writing and you know, producing my own music. Eventually, somewhere along the way, I was like, man, you know, I really enjoy making my own music and, you know, this is all I do. So I was like, you know, this is what I'm going to go for 100%. C'est quand il a commencé à écrire ses chansons, 15, you know? À produire, après l'âge de 15 ans, globalement, il faisait plus que ça et il kiffait vraiment. Donc il s'est dit, voilà, je fais que ça, je passe ma vie à faire ça. Donc il y a quelque chose, quoi. Bah alors, qui sont les gens que tu vas essayer, on parlait de Pharrell, mais qui sont les gens que tu as peut-être essayé d'atteindre, de rencontrer, qui sont un petit peu les modèles de l'époque quand t'as 15-16 piges, les gens que t'apprécies musicalement? You know, I never really thought about it like that, you know, it was just, I was lucky enough to meet Pharrell, and for me that was huge, you know, and, you know, I got to then somehow got in touch with Wyclef, and, you know, that was someone else who I looked up to, so it was amazing. And now at this stage of my life, you know, someone I've always wanted to work with is Lenny Kravitz. I think he's got a dope style, and I think it would really, you know, add something different to what I do. Alors là, à ce stade de sa vie, il adorerait bosser avec Lenny Kravitz parce qu'il le trouve top, il aime son style, et il pense que ça apporterait quelque chose. He does. Part time, ouais, yeah, il sait. Après, pour ce qui est de rencontrer d'autres gens, enfin, il réfléchissait pas forcément comme ça. Pharrell, ça s'est passé comme ça s'est passé, et après Wyclef Jean, donc déjà, il estimait qu'il avait beaucoup de chance avec ces deux. Toi, t'étais tout jeune au tout début justement des Fugees et tout. T'as un souvenir des Fugees? Yeah, oh yeah. I love the Fugees, man. And, you know, of course, I love the music that Wyclef did after as well on his own. Gone Till November, you know, 911. Ouais, il adorait aussi Wyclef en solo après. Bah, Wyclef avec ce morceau, ouais, 911 avec Mary J. Blige, qui est juste. Pff, crazy, man. Incroyable. Incroyable. Ouais, yeah. Pareil, d'accord. Tu vas très vite te retrouver évidemment en studio à enregistrer un premier album. Ça fait quel effet? Yeah, you know, for me, it was just a fun time, man. I got to work with Pharrell and Wyclef and Dallas Austin. And, you know, all these guys are like big kids, man, and they have a lot of fun, and they're just up till 2 o'clock in the morning, you know, dancing and just, you know, having a lot of fun, man. Écoute, pour lui, c'était plutôt l'éclat d'âne, hein, parce que du coup, il bossait avec des gens comme Pharrell, comme Wyclef, comme Dallas Austin, qui sont des grands gamins, il dit, qui font la fête, enfin, qui restent de réveil jusqu'à 2h du mat, qui rigolent, qui dansent, donc voilà, donc c'était plutôt cool. Bah, tu m'étonnes que c'est plutôt une bonne ambiance. Tu prends d'ailleurs du recul, t'arrives à prendre un peu de recul, parce que c'est vrai que là, tout s'enchaîne très vite, il y a évidemment l'enregistrement, il y a le morceau Layer Layer, tu fais une tournée, je crois que là, t'es en France, mais tu reviens d'Allemagne, il me semble, et tu vas repartir après en Europe. T'arrives à prendre un peu de recul? Wherever I go, I'd like to have a good time, man, and you know, just sit back and really enjoy it, man, because you got to be thankful, you know, this is what we do. The music business is like, you know, especially to be on this side and being able to create music and travel and play your music, it's like a dream. Écoute, il est surtout très reconnaissant parce que c'est un peu comme un rêve pour lui. Il sait que l'industrie de la musique, c'est pas simple. Donc, de pouvoir sortir des titres que ça plaise, voyager, faire des concerts, voilà, pour lui, c'est un peu un rêve tout ce qui se passe. Eh bah, écoute, le rêve, on espère qu'il va continuer pendant de longues années, en tout cas. Voilà, the dream will last for a very long time. Too, bah, lui aussi, hein. Je pense, ouais, évidemment. Hope so. J'espère. On te souhaite une belle carrière. Toi, t'imaginais comment, justement, il y a encore 2-3 ans, tu pensais faire quoi? Tu pensais vraiment être musicien, aller plus loin, ou t'avais une espèce de destin? C'était un tout tracé, des études, un boulot. No, man, you know, I was always thinking about, you know, being a musician, and I always kind of dreamed and hoped that it would happen, and, you know, other than that, another dream I had was to be James Bond. Alors, il a toujours pensé ou voulu être musicien, really, you know, il espérait que ça se produirait. Un autre rêve, c'était être James Bond. That's really as far as I thought. C'est jamais trop tard. It's never too late. C'est vrai. Never too... Putain, ça pourrait faire un bon titre de James Bond, ça. Never too late. Never too late. Hey, collaboration. Tu feras la bande son. Je prendrai le pognon. Let's do it. Pas mal. Donc ouais, tu avais envie d'être soit James Bond, soit faire de la musique. So either do music or be James Bond. That's it, man. Voilà. Chris Cab avec nous pendant une heure et du son de Chris Cab maintenant, des extraits de son album qui est dans les bacs, l'excellent album de Chris Cab. On va écouter un morceau qui s'appelle The Sun Is Gonna Rise Again. Et puis après, version acoustique de Layer Layer qu'il a enregistré dans le studio. Jusqu'à 21h, c'est Planète Rap, l'émission rap de référence. En premier sur Skyrock. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. The sun is gonna rise again. mystery. You've been here before. There's happiness and misery. There's martyrs and war. Like all your insecurities are coming ashore. Now tell me how you're gonna beat it. How do you feel about watching the sun come out? Alright, you're working and you're hurting, 'cause they're pushing you down. But the darkness gonna turn into the light. The sun is gonna rise again. The sun is gonna rise again. So live it up tonight, my friend. The sun is gonna rise again. Oh, you know this one life. So live it to the fullest in the moonlight. I feel good whenever you shine. That's when everything is alright. You got me asking, asking, what's your passion, passion? Tell me what's your great escape. Ooh, you know you're smashing, smashing when you're laughing, laughing. So show 'em there's a better way. I know that sometimes the clouds are falling on your head. Oh, I know that sometimes you're feeling like the rain won't end. The sun is gonna rise. Ce soir, Planète Rap spécial numéro 1 US. Murder, liar, liar. said, don't get too close. She might burn ya. Last thing that the victim knows is that this murder. Une seule émission fait découvrir les nouveaux sons rap R&B. Freestyle nouveauté bien enclenché. 20h-21h sur Skyrock. Whenever you need me, I'll come back to you. She's coming up on the corner. She had the light blue eyes with the yellow dress. The kind of girl that you wanted back when Biggie was alive and Obama smoked cigarettes. And every time she saw me, I felt the chemicals deep inside. And as she got to know me, I told her every word on my mind. I told you I won't waste your time. I'll give you all the stars that shine. Now it's something that you know. Whenever you need me, I'll come back to you. Freaky in the morning, I love the way you put it on me so I won't forget. And all day you know I want it, got me speeding right back in and out of bed. I love the way you love me, you're the only one. And you don't have to worry, cause I got you for whenever you need me. Tell you what I wanna do. I could take us higher than the mountain, build a shelter up above all the falling rain. And every time you needed my loving, I could put you in positions that you can't explain. I wanna say you're the reason that the sun shines each and every season. Just call my name and I'll be there whenever you need me. I'll come back to you. Spécial numéro 1 US. I was walking out the door on a Friday. I couldn't make up my mind. And just when I pulled out of the driveway, I saw you as you walked right by. You had the light blue eyes and the red hot sun. You smiled right back when the party begun. Now we're blasting the gun, getting loose, having fun. And we ain't going nowhere. When the night is almost over, but everybody's jamming away, you know it's gonna be a long weekend. Cause your drink's not getting colder, but we're still getting older, they say. Avec nous entre 20h et 21h sur Skyrock. Chris Cab qui était là depuis depuis 20h sur Skyrock et jusqu'à 21h. Chris Cab en interview et puis le petit mot, hein, le petit mot de fin de Chris Cab à écouter tout de suite en vous rappelant que le morceau qu'on écoute à l'instant s'appelait Long Weekend. Est-ce qu'il va y avoir une tournée? Est-ce que tu vas revenir encore pour la 8e, 9e, 10e fois en France? Always, you know, we'll be Évidemment. Here and I always have fun in France. Écoute, il s'éclate toujours en France. L'album avec le morceau Liar Liar est un petit bijou cet album, franchement. Thank you, sir. Thank you, Chris. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on fait tourner la roulette maintenant. Skyrock t'offre ta nouvelle tablette Samsung, ton DVD fiston et aussi 50 euros de bon d'achat avec la crime. Avec Bilal de Ponto Combo, ça va bien Bilal? Ça va l'équipe Sky? Ça va en pleine forme? En pleine forme, à pêche. Ça dit quoi? C'est les vacances pour toi? Ah non, ça bosse malheureusement. Ah, ça bosse dur tout l'été, tu as bossé dur comme ça? Eh ouais, tout l'été, mais bon, avec le temps qu'on a, ça me dérange pas trop. Ouais, si ça continue comme ça, c'est vrai que l'automne est déjà arrivé, c'est pas mal. C'est ça. Enfin, pas partout, mais au moins sur une bonne partie de la France. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Ah bah ça énerve, un temps comme ça énerve. Forcément. Et bah voilà, c'est la totale. 50 euros de bon d'achat offert par la CRIM. Le DVD fiston et la tablette tactile Samsung 8 Go qui arrive à la maison. C'est pour toi, Bilal, on t'envoie ça à Ponto Combo dans le 7-7. C'est ça. Trop de la bombe, merci à l'équipe Sky, merci à l'équipe Sky. Et un gros bisou à ma copine qui m'écoute. Un gros big up à tous mes potes et un gros big up à tous mes collègues de travail. Mmh. Et un gros big up à l'équipe Sky aussi. Tu bosses dans quoi toi, Bilal? Bilal? Ouais. Tu bosses dans quoi toi? Moi je suis vendeur dans une boutique de basket. Ok, enfin, bah écoute. Basket, c'est clean, un peu tout. Et bah bon courage pour cet été et puis on t'envoie ça rapidement dans le 7-7. Je te remercie. A plus, ciao Bilal. A plus. Ciao, ciao. Il est grand temps maintenant de retrouver Difool et toute l'équipe. Et on est là, salut Fredo. Ça va? Ça va, bien et toi? Après une heure avec Chris Cab, que vous connaissez bien. Ouais, ça passe Chris Cab. C'est le poteau au belge. Oui, c'est le poteau belge, Chris Cab. Chaque fois qu'il vient à Paris, il appelle le belge. Sérieux? Ouais. Il fait visiter, ouais. On fait visiter la Tour Eiffel. Ouais, ils vont faire les musées ensemble. Cédric est guide touristique. Ouais, il se fait visiter, Cédric. Ouais. Ouais, touristique et guide gastronomique également. Hein. Oula. Là c'est le grec. Là c'est la Tour Eiffel. Voilà, le grec à côté de la Tour Eiffel. Là c'est le grec de la Tour Eiffel. Là c'est les chiottes pour après le grec. Voilà. Oui, tout de suite après le grec, ça. Tout de suite, direct. Direct. Bon, demain soir le retour de Planète Rap, le spécial rap US, le spécial US de la semaine continue. Voilà, avec un rappeur Quinry qui est né en Allemagne. Il s'appelle Schoolboy Q. C'est Schoolboy Q. Voilà. Qui débarque de Los Angeles. Angeles, de LA. Demain, à pas louper, 20h-21h, juste avant le week-end du 14 juillet. Et oui, c'est vrai. On peut dire que tu termineras la semaine en feu d'artifice. En feu d'artifice, ce sera un final de toute beauté. À pas louper demain soir. Avec toi, Fredo, bah, on sera là demain, nous, entre 20h et 21h pour t'écouter. Et puis dès 21h pour la radio libre, comme ce soir d'ailleurs. C'est parti dans un instant. Si vous avez un truc à dire, dès maintenant, vous nous appelez 01 53 40 30 20. L'équipe vous attend. Oui. C'est jeudi, c'est le jour du problème du mois. Exactement. Même pendant l'été, vous avez droit à vos problèmes du mois. Je sais que t'aimes beaucoup, Fredo. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, nous aussi, on aime bien, là. Problème du mois retrouvé dans la soirée. Puis tout le reste, on en reparle dans un instant. Le temps, bah, de démarrer cette grosse soirée avec. T'as pas mis Marine Monster? Non, on peut y aller. Allez, on peut y aller. Un petit coup de Marine Monster pour démarrer tout de suite. Marine Monster, Maître Gims, ça s'appelle pour commencer. C'est bien foutu pour démarrer l'émission, ça tient. Nickel. Nickel, parfait. Et ouais. Et bah, c'est parti, on arrive tout de suite sur Skyrock. Salut Fred. À toutes. À demain, ciao.